إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du hadith qu'on a commencé à expliquer hier, Ad-Din al-Nasiha, et c'est le hadith numéro 7 dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et donc on va continuer à lire le charh de Cheikh Saleh al-Fawzan au sujet de ce hadith. Donc aujourd'hui c'est le cours 18. Aujourd'hui c'est le cours 18 depuis qu'on a commencé ce livre. Et on est arrivé à la partie où le Cheikh expliquait que parmi les choses qui font partie de donner la nasiha au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de s'écarter des innovations, de s'écarter des bid'ah, de tout ce qui a été innové dans la religion, des choses qui n'ont aucune preuve, aucune référence dans le Coran ou dans la Sunna et que les gens pratiquent au nom de l'islam alors qu'elles n'ont rien à voir avec l'islam. Donc il faut s'écarter de ça et de s'écarter des innovations, ça fait partie de donner la nasiha au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'être sincère envers lui et envers sa sunna. Ensuite, le Cheikh il dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي نَصَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ضَعْفِهِ لَا تَنْسِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ الْجَزْمِ وَإِنَّمَا تَقُولُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا بل تأتي بصيغة التمريض من باب الأمانة وهذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh explique que parmi les choses qui ont rapport avec le fait d'être sincère envers la Sunna, être sincère envers le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il y a le fait que lorsqu'il y a un hadith qui est faible, un hadith qui est da'if, qui n'est pas authentique, et que les ulama ont mentionné que ce hadith-là, il n'est pas authentique, il est faible, alors tu ne dois pas l'attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui est certaine. C'est-à-dire que lorsque tu parles, lorsque tu vas mentionner ce hadith, tu ne vas pas dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose avec certitude. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc, tu vas dire, au lieu de dire qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu vas dire plutôt que il est dit que, ou il est rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais tu vas pas dire avec d'une façon qui indique que tu es certain de ça, comme si tu fais comprendre à la personne que c'est pas authentique quand tu le mentionnes. Et ça c'est une explication que les ulama ils mentionnent dans les livres de hadith, dans les livres de mustalah, quand ils expliquent les questions qui ont rapport avec les hadiths qui sont faibles, qui ne sont pas authentiques, qu'on ne mentionne pas que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a dit, d'accord. Donc habituellement, lorsque vous allez lire un livre écrit par un alim, soit que ce soit un livre de hadith ou d'autres, et que on mentionne le terme warada an rasulillah ou bien ruwiya an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que la personne qui mentionne ce hadith, il a un doute sur son authenticité, ou bien warada, نعم ورداء أو بيان يعني روية أو يروى c'est-à-dire tu le mentionnes comme si on a dit ou ça a été dit mais tu dis pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça directement ça fait partie de ce qu'on appelle al-amana et cette formule ou cette façon de le dire on appelle ça siratul tamrid siratul tamrid et ça c'est pour montrer que tu es une personne fiable que tu es honnête lorsque tu mentionnes une parole et que tu sais qu'elle n'est pas authentique tu la mentionnes pas comme si elle était authentique parce qu'il y a des gens parfois c'est ça ce qu'ils font ils n'ont pas de preuves pour faire quelque chose puis ils ont trouvé un hadith qui est faible qui justifie ce qu'ils veulent faire alors ils vont mentionner le hadith faible comme s'il était authentique en disant qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils savent qu'il n'est pas authentique mais ils le mentionnent de cette manière là pour faire croire à la personne qu'il est authentique et puis pour justifier qu'est-ce qu'il fait alors qu'en réalité il n'est pas authentique donc ça fait partie de al-nasiha d'être sincère envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika il y a la question des hadiths qui sont faibles il y en a parmi les gens qui ont dit par exemple que on peut utiliser ces hadiths là pour encourager quelqu'un à faire des bonnes œuvres lorsque ça concerne les hadiths qui montrent le mérite de faire certaines actions fadail al-a'mal toutefois yani, la position qui est correcte à ce sujet là c'est qu'on n'a pas le droit de mentionner des hadiths daïfs même si c'est dans les questions qui ont rapport avec les mérites des actions ou des œuvres. On doit inciter les gens à faire des bonnes œuvres et leur montrer le mérite qu'il y a dans le fait d'agir ou de pratiquer certaines actions ou certaines pratiques religieuses en leur mentionnant les hadiths qui sont authentiques et non pas en leur mentionnant les hadiths qui sont faibles. Donc ça c'est à ce sujet-là, puis bien entendu il y a des détails à ce sujet-là, les ulama ont clarifié ça, il y a des livres qui sont écrits à ce sujet-là et peut-être on en parlera une autre fois. Donc le seul hadith qu'on peut utiliser comme référence ou comme preuve dans la charia, c'est le hadith qui est sahih ou le hadith qui est hassan. Mais à part ça, on ne peut pas utiliser le hadith qui est en dessous de ce degré-là, on ne peut pas les utiliser. Après le Cheikh dit « وَكَذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِي تَصْحِيحِ الْأَحَادِيثِ أَوْ تَضْعِيفِهَا وَأَنْتَ لَيْسَ عِنْدَكَ مَقْدِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا إِلَّا أَهْلُ الْفَنِّ وَأَهْلُ الْإِخْتِصَاصِ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ وَالرِّوَايَةِ أَمَّا مَا ظَهَرَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ والتصحيح والتجريح فيها من غير علم ومن غير أن يصدق لهم دراسة وخبرة ولا تلق للعلم عن العلماء فهذا خطر عظيم خطر شديد وجرأة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتدخل الجهال و أن يسموا أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب من كتب الحديث أو حفظوا عددا منها لأن مجرد حفظ الأحاديث لا يجعلهم من المحدثين وإنما المحدث هو المتخصص في علم الرواية وهذا فن عظيم يتلقى عن العلماء وأهل العلم والخبرة. Le cheikh explique que, également, parmi le fait d'être sincère envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'on ne doit pas rentrer dans la question de l'authentification des hadiths, ou le fait de déclarer un hadith sahih ou da'if, si on n'est pas qualifié pour le faire, si on n'est pas apte à le faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité qui est nécessaire pour le faire. Donc, tu rentres pas dans ce domaine-là, excepté si tu fais partie des gens qui sont qualifiés pour faire ce travail et qui sont spécialisés dans ce domaine parmi les savants qui sont fermement ancrés dans la science et dans la transmission des hadiths et dans tout ce qui a rapport avec les sciences du hadith. Ça c'est une science, la science du hadith qui est une science qui demande beaucoup de minutie, beaucoup d'études et de connaissances. Si quelqu'un n'a pas les connaissances nécessaires pour le faire, il risque de faire des choses vraiment mauvaises, dangereuses, qui peuvent avoir des conséquences graves. Donc, on a vu, le chef a dit, on a vu apparaître beaucoup de jeunes dans les temps présents qui osent commencer à rentrer dans les questions de hadith et de l'authentification ou de déclarer le hadith faible ou authentique, alors qu'ils n'ont pas de science pour faire ça et qu'ils n'ont pas beaucoup d'études et d'expérience dans le domaine. Même si quelqu'un a beaucoup de connaissances théoriques sur la question, par exemple quelqu'un a mémorisé les livres de Mustalah et il a appris les terminologies des ulama au sujet des termes qui ont rapport avec le hadith et tout, ça ne veut pas dire qu'il est apte tout de suite à rentrer dans ces questions-là, puisque ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience, et comme le cheikh il le dit également, non seulement ça demande de la connaissance et de l'étude et de l'expérience, ça demande aussi de s'asseoir avec les ulama pour apprendre avec eux cette science-là. Parce que c'est pas une science théorique que tu apprends comme ça avec des livres seulement. Et c'est comme on donne toujours l'exemple des gens qui veulent, par exemple, devenir par exemple chirurgien ou qui veulent par exemple faire de l'ingénierie ou je sais pas quoi. Yani, si quelqu'un commence à lire dans des livres de chirurgie comment faire une transplantation cardiaque et qu'il commence à prendre des instruments pour ouvrir la poitrine de quelqu'un, commencer à faire ça tout seul, en se basant seulement sur les livres, c'est pas suffisant. Il faut que quelqu'un apprenne avec des chirurgiens qui vont lui montrer non seulement la théorie, mais aussi les techniques et la pratique et qui vont le superviser, etc. Donc c'est la même chose dans ces sciences islamiques-là. Tu ne veux pas les apprendre seulement pour dire j'ai étudié ça dans un livre et maintenant j'ai appris et maintenant je peux déclarer quel hadith est sahih et quel hadith est da'if. Non. Hein? À moins que tu te réfères à un autre savant qui a déjà expliqué ou jugé dans ces questions-là et donc toi tu mentionnes qu'est-ce que ces savants-là ont mentionné, ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est correct, mais de le faire par toi-même, que tu commences à essayer de le déclarer par toi-même, là, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et c'est en fait une offense envers la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'agir de cette manière, ça n'a rien à voir avec le bon conseil envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que les ignorants se permettent d'entrer dans ces questions-là et de se déclarer eux-mêmes comme étant des muhaddithines ou des savants hadith du fait qu'ils ont lu quelques livres qui ont rapport avec la science du hadith et qu'ils ont mémorisé quelques nombres parmi les hadiths par exemple, eh bien ça c'est pas suffisant. Et puis ça veut pas dire qu'ils sont des muhaddithines. Parce que le fait de mémoriser les hadiths, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est un muhaddith. Le muhaddith, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la science de la transmission. Et ça, c'est un domaine qui est très large, qui est très vaste, et qui demande qu'on étudie cette science-là avec les ulama, et qu'on prenne cette science-là de la part de ceux qui ont la science et qui ont l'expérience à ce sujet-là. فَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُطَالِعَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ثُمَّ يُصَحِّحْ وَيُضَعِّفْ أَوْ يُفَسِّرْهَا أو ويشرحها من عنده بدون فهم صحيح، لأن هذا من الغش لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب أن تحترم السنة ولا يدخل فيها إلا من هو مختص بهذا العلم. Donc le cheikh il dit c'est pas n'importe qui a lu les livres de hadith, c'est pas n'importe qui peut commencer à déclarer un hadith sahih ou da'if, ou juger entre les hadiths, et commencer à les interpréter et à les expliquer de sa propre tête, de sa propre compréhension, sans se référer à une compréhension qui est correcte. C'est pas n'importe qui a lu dans les livres qui peut se permettre de faire ça. Et d'agir de cette manière, c'est une forme de tricherie envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une forme de tromperie. Et la sunna, c'est obligatoire pour nous de la respecter, d'avoir du respect envers elle, et donc de ne pas rentrer dans ce domaine-là, excepté lorsqu'on est quelqu'un qui est spécialisé dans cette science-là. Bien entendu, par exemple, si quelqu'un d'entre nous, par exemple, va étudier avec les ulama, il va étudier, après quelques années, quand le cheikh avec qui il va étudier, ou bien les ulama avec qui il va étudier, vont le considérer comme étant prêt ou apte à enseigner ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, il va le faire. Et ça, c'est quelque chose de bien. Mais de rentrer tout seul, comme ça, sans avoir étudié ces questions-là, ça, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de dangereux, en fait. وقال, قال ولأئمة المسلمين, ولأئمة المسلمين. Maintenant, il a terminé d'expliquer an-nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il passe à un autre aspect de an-nasiha, de donner la nasiha aux dirigeants des musulmans. ولأئمة المسلمين المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين والله ولي الأمر عليه فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور لأنهم ائتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهاون فيه. Donc, la prochaine explication, c'est à propos des dirigeants et d'être sincère envers eux. Et le cheikh, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par les a'imma. Le mot a'imma, c'est le pluriel du mot imam. Et imam, on peut l'utiliser pour désigner plusieurs choses. On peut l'utiliser pour désigner celui qui dirige la prière à la mosquée. On peut l'utiliser aussi pour désigner le chef d'un État ou le président ou le roi ou quelque chose comme ça. Et on peut l'utiliser également pour désigner un grand savant de l'islam qui avait, disons, une grande science et qui est considéré comme une référence. On peut l'appeler un imam. Hein. Souvent quand on va parler des grands savants de l'islam, on va dire l'imam un tel. Hein. L'imam Malik, par exemple. L'imam Malik ibn Anas, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ceux-là, on les appelle des imams parce que ils sont des grands savants et les gens les prennent comme des guides, comme des exemples, d'accord? À cause de leur science et la Ummah a témoigné de leur fiabilité, de leur honnêteté et de leur connaissance dans la religion. Donc, on les appelle des imams et le pluriel du mot imam, c'est a'immah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa li'a'immati al-muslimin », c'est-à-dire envers les dirigeants des musulmans. Et donc ici, il parle en particulier, de, comme on l'a dit, de « Wulat al-umur ».« Wulat al-umur », c'est-à-dire ceux qui sont chargés des affaires des musulmans et qui sont responsables des affaires des musulmans, c'est-à-dire les dirigeants et ceux qui ont une responsabilité dans ce sens-là. Donc, d'être sincère envers eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois, premièrement, que ce sont des dirigeants. Tu reconnais leur autorité. Tu reconnais leur pouvoir. Et tu les écoutes et tu les obéis dans le bien. Hein? Ça aussi, ça fait partie de l'obéissance au messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Et celui qui obéit aux dirigeants, il m'a obéi. Et celui qui m'a désobéi, il a désobéi à Allah. Et celui qui a désobéi aux dirigeants, il m'a désobéi. Donc, d'obéir aux messagers, d'obéir aux dirigeants, ça fait partie d'obéir aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant que tu lui obéis dans ce qui est bien, dans ce qui est permis dans la charia. S'il leur donne de faire un péché, de faire quelque chose de haram, dans ce cas-là, dans cet aspect-là en particulier, tu dois lui désobéir puisqu'il t'ordonne de faire ce qui est haram. Mais en dehors de ça, tu dois continuer à lui obéir dans tout ce qui est bon. De la même façon que ton père ou ta mère, si elle t'ordonne de faire quelque chose, tu dois leur obéir parce que ce sont tes parents et Allah nous ordonne d'obéir à nos parents. Toutefois, s'il nous ordonne de désobéir à Allah ou de faire quelque chose que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont interdit de faire, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir dans cette chose-là en particulier, puisque on n'a pas le droit d'obéir à une créature dans la désobéissance du Créateur. Donc, le cheikh, il dit donc que, premièrement, c'est de croire en leur autorité, que ce sont les dirigeants, de les écouter et de leur obéir dans le bien, et de prendre nos responsabilités vis-à-vis d'eux lorsqu'ils nous ont chargés d'un travail quelconque. Donc, si le dirigeant ou le responsable des musulmans dans un pays musulman a donné à un musulman en particulier ou à certains musulmans une responsabilité ou une tâche ou un travail à faire, eh bien, il faut que cet employé-là et cet individu-là respecte ce travail et il le fasse comme il faut et correctement. Comme par exemple, quelqu'un qui est un muwaffaq, comme on dit en français, un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille pour l'État, eh bien, il a une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant le dirigeant qui l'a chargé de remplir cette tâche-là, d'être honnête et de faire son travail de la meilleure façon. Hein? Et le directeur également qui a été désigné par le dirigeant, ou bien le professeur, ou le juge, ou le mufti, ou n'importe quel individu dans la société qui a été désigné par le dirigeant pour accomplir un travail ou une tâche pour les musulmans, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui d'être sincère dans ce travail-là et de remplir ce travail-là de la manière qui lui est demandée. Et s'il a des manquements dans ce travail-là, ou s'il manque à ses responsabilités dans son travail, alors dans ce cas-là, il n'est pas sincère envers les dirigeants dans ces manquements-là qu'il a. Parce que ces dirigeants-là lui ont donné cette tâche et lui ont fait confiance. Ils lui ont donné cette tâche et lui ont donné cette amana. Et lui, il n'a pas fait qu'est-ce qu'il devait faire il l'a pas fait de la façon qui est correcte. Et il a pris ça, disons, il a négligé dans son travail. Par exemple, quelqu'un qui a un travail, une responsabilité, et puis, par exemple, il fait pas attention pour arriver à l'heure à son travail, il fait pas attention pour respecter les heures, il fait pas attention pour il passe son temps au téléphone au lieu de faire son travail, il parle au téléphone ou bien sur MSN ou bien je sais pas quoi avec son ordinateur. Il fait pas les tâches qu'on lui a demandé de faire, ou bien il fait par exemple une sorte de corruption, par exemple un service qu'il est supposé de donner gratuitement, il va demander à des gens de lui donner de l'argent pour ça. Ça, c'est des exemples de riches, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis, bien entendu. Après, le cheikh dit « Wa kadhalika min al-nasihati li wulat al-umur munasahatuhum an ba'd al-akhta' allati tahsul wa la ya'lamuna anha fayuballaghuna biha in kanat min ghayrihim وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها إن كانت من غيرهم وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها ولكن لا يكون هذا في المجالس أو على المنابر وإنما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الأمر إما مشافهة وإما كتابة وإما بأن يوصي من يتصل به وينبهه على ذلك فليس من النصيحة لولاة الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في غير ذلك لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور وإن كان عندهم تقصير فليس من النصيحة أن تشهر بأخطائهم عند الناس لأن هذا يجر شرا بل النصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك وأن تبلغهم بالواسطة فإن عجزت عن إبلاغهم مباشرة أو بالواسطة فإن الواجب أن تسكت لأنك معذور. Le chef il explique aussi que parmi les choses qui ont rapport avec le fait d'être sincère envers les dirigeants, c'est que tu dois leur donner le bon conseil au sujet de certaines erreurs qui peuvent se produire. Donc, s'il y a des problèmes ou des questions ou des erreurs qui se produisent et que eux, les dirigeants, ne sont pas au courant, il faut les informer de ces problèmes-là et de ces erreurs-là. Soit que tu vas, comme le chef il va l'expliquer, soit que tu vas leur faire part d'une erreur de la part de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui fait une erreur, tu vas aller voir le dirigeant pour lui en informer, pour corriger cette erreur-là. Ou bien si cette erreur-là est en lui-même, eh bien dans ce cas-là, tu t'en vas pour lui donner le nasiha en privé, entre toi et lui. Pas devant tout le monde dans l'assemblée, ou bien sur le minbar. Il y a des gens comme ça des fois, certains imams dans certaines mosquées, ils montent sur le minbar et puis ils commencent à parler des dirigeants, les péchés qu'ils ont faits ou les fautes qu'ils ont faites ou les erreurs qu'ils ont faites. Ils disent, ah, un tel président, un tel roi, un tel personne, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, hein. Et ça, c'est pas permis de faire ça et ça n'a pas rapport avec la nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque tu veux donner la nasiha aux dirigeants, tu dois lui donner la nasiha en privé, en personne, et non pas en public devant tout le monde. Ça c'est très important, surtout qu'à l'époque actuelle, il y a des groupes islamiques qui ont basé leur système ou leur da'wah sur le fait de critiquer publiquement les dirigeants. Et ils se basent là-dessus pour rassembler les masses et les foules, et appeler aux manifestations, ou appeler au coup d'État, ou à des choses de ce genre. Et tout ça, c'est en opposition avec l'islam et avec la sunna. Et tout ça, c'est en opposition aussi avec yani le fait de donner la nasiha aux dirigeants. Hein. Donc, le cheikh, il dit, soit que tu lui dis directement, mon cher Farah, tu lui dis verbalement, tu vas aller voir si tu es capable, sinon, tu lui écris, hein, ou bien, tu vas charger quelqu'un, tu vas demander à quelqu'un de lui transmettre cette nasiha de ta part pour lui en informer. D'accord? Et donc ça c'est très important de comprendre ça, mais en ce qui concerne, hein, même à Montréal, il y a certains imams comme ça, ils vont sur le minbar, ils commencent à insulter les dirigeants, parler contre eux, dire des choses contre eux. Hein. Ça c'est pas de la nasiha. Et le cheikh dit, donc, de faire les paroles, parler contre les dirigeants dans des assemblées ou des choses de ce genre, ça fait partie de la trahison envers les dirigeants. Et, yani, si tu vois donc qu'ils ont des manquements, ils ont des péchés, ils ont des fautes, yani, le fait d'aller devant tout le monde puis de commencer à dire, ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, hein, eh ben, en réalité, ça va pas amener du bien. Ça va pas amener du bien de faire ça, ça va amener du mal, au contraire, ça va amener du mal. Hein. Donc si quelqu'un, par exemple, il sait que les dirigeants, ils ont des péchés ou des fautes, et qu'il s'en va parler devant les gens de ces péchés-là, eh bien, ceux qui n'étaient pas au courant de ces péchés-là, ils vont commencer à les connaître, et ils vont commencer à détester le dirigeant. Et ça commence comme ça à se répandre la haine pour le dirigeant par la suite, et ça pousse les gens par la suite à se révolter, à se rebeller, à vouloir essayer de renverser le gouvernement, renverser le pouvoir, puis après, qu'est-ce qui arrive comme conclusion? Ça amène du fait que par la suite, c'est les coupables par la suite qui prennent le pouvoir sur les musulmans, ou bien les munafiqines, ou bien des gens qui ont d'autres idées, d'autres agendas qui en profitent. Ou bien des gens en profitent pour faire la corruption, le désordre, et ça rend le système ou la société musulmane instable, hein, et ça amène beaucoup de conséquences négatives du fait qu'il y a par la suite, il n'y a plus de sécurité, tout le monde a peur pour sa vie ou pour ses biens ou pour son honneur, parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de personne qui fait respecter les lois, et en même temps aussi ça amène beaucoup d'autres conséquences aussi pour tout ce qui découle de ces choses-là. Donc, tout ça vient du fait que les gens mentionnent les fautes des dirigeants et les mentionnent en public. Toi, si tu veux le bien et que tu es vraiment sincère et que tu veux le bien pour les musulmans et tu veux le bien pour le dirigeant et que tu es sincère dans cette intention-là que tu as pour corriger le mal, eh bien, dans ce cas-là, si tu veux vraiment le bien, tu lui transmets à la personne et tu vas le voir et tu lui dis. Et le cheikh il dit, comme soit tu lui transmets direct, si tu peux pas, tu prends un intermédiaire. Et si tu peux pas leur transmettre directement, ni avec un intermédiaire, alors ton devoir c'est de te taire, parce que tu es excusé dans ce cas-là. Si tu peux pas leur transmettre directement ou par un intermédiaire, dans ce cas-là tu es excusé. Hein? Ou bien s'il y a des ministères parfois qui sont établis par les dirigeants pour accueillir ou recevoir les commentaires ou les critiques ou les plaintes, eh bien d'aller s'adresser à ces endroits-là ou à ces personnes-là pour leur faire part de la critique ou de la plainte ou y aller du problème pour essayer d'arriver à le résoudre. Ça c'est la manière à utiliser dans l'islam. Et le cheikh il dit « Amma man yatakallamu fi sha'ni wulat al-umur » parce que c'est ça qui se passe maintenant, les musulmans, dans les pays musulmans, il y en a des groupes qui ont été influencés par les koufars, y'a dit, dans leur mentalité, soit par les coups d'État ou la démocratie, les élections et tout ça. Ils disent on veut avoir un autre dirigeant, on veut plus celui-là, on veut le changer. Hein. Ici, par exemple, les koufars, à chaque 4 ans, ils changent de dirigeant, des fois même avant 4 ans. Ils en élu un, le lendemain, après l'élection, ils commencent déjà à les critiquer. D'accord? Alors pourquoi ils l'ont changé? Hein. C'est comme s'ils jouent à la chaise musicale. Et comme je disais à un frère dernièrement, j'étais assis avec des faits, je parlais. Il dit, la démocratie, en fait, c'est comme une femme, elle dit, moi, je suis mariée avec mon mari, mais je ne vais pas rester plus que 4 ans avec lui parce que je vais trouver un meilleur. Donc, à chaque 4 ans, je vais changer de mari pour avoir toujours un qui est meilleur. Hein. Ça, c'est un peu l'exemple de la démocratie. Tu vois? Et nous, c'est pas comme ça qu'on agit dans l'islam. Quand les musulmans ont un dirigeant, c'est lui qui va être au pouvoir jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce qu'il soit plus capable d'occuper ses fonctions de dirigeant. Puis quand il meurt, c'est celui qui l'a désigné qui va le remplacer ou celui qui a été, si par exemple il a dit c'est lui qui va me succéder, c'est lui qui va le succéder. C'est comme ça. Hein? Et puis, comme c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désigné personne, mais les ulama parmi les sahaba, les grands sahaba, ils ont donné la bay'a à Abu Bakr al-Siddiq. Et c'est pas tous les musulmans qui ont donné la bay'a à Abu Bakr al-Siddiq, c'est uniquement certains d'entre eux qui étaient présents qui ont donné la bay'a. Et ça compte pour tout le reste des musulmans. Hein? Ou bien, après la mort de Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il a dit, c'est Omar ibn Khattab qui va me succéder. Alors ça c'est un autre exemple. Ou bien, à la mort de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a choisi parmi 6 personnes, puis il a dit, vous choisissez un d'entre eux. Et c'est lui qui va être le khalifa. Donc ils ont choisi Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et c'est pas tout le monde qui a choisi, seulement ces 6-là. Hein? Ahlul Hilli wal Aqd. Ou bien, Ali ibn Abi Talib, la même chose. Donc, c'est les façons comment on choisit le dirigeant, et une fois qu'il est là, qu'il est le khalifa, ou qu'il est le dirigeant, ou qu'il est le roi, ou qu'il est le président, il reste au président jusqu'à ce qu'il meure. Ou jusqu'à ce qu'il est malade, et il ne peut plus être au pouvoir, donc quelqu'un va prendre sa place. Et comme ça, ça amène de la stabilité dans le pays musulman, ça amène plus d'équilibre, plus de force, et au moins, les gens ne commencent pas à se diviser en groupes ou en partis pour se disputer le pouvoir, c'est qui va gagner les élections, plus plein de corruption, des mensonges, des... Hein. Allez, oui c'est ça, exactement. Exactement. C'est-à-dire, regardez, comme le frère, qu'est-ce qu'il mentionne. Il y a des dirigeants, ils sont mauvais, ils sont injustes. Hein? Malgré ça, le fait qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient là, c'est mieux que le fait qu'on les enlève par la force et que, par la suite, il y ait plus de désordre. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont toujours indiqué et expliqué et insisté sur le fait qu'on doit écouter et obéir aux dirigeants, même s'il est injuste. même s'il est mauvais. Hein? Et on fait des doigts pour lui, comme on va le voir tout à l'heure. Mais de dire il est mauvais, il est injuste, on va l'enlever puis on va le remplacer, ça va créer plus de mal que le mal que tu veux changer. Et dans l'islam, quand il y a un mal, soit que tu le changes par quelque chose de meilleur, ou soit que tu le changes par quelque chose qui est pareil, mais si tu sais que ça va être pire, dans ce cas-là, tu le fais pas. Et donc, comme on dit en français, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, ou bien en anglais, bird in the hand means two in the bush. Ça veut dire, un que tu as dans tes mains, c'est mieux que deux que tu dis je vais l'avoir. Parce que tu ne sais pas si tu vas l'avoir ou non. Tu penses. Et l'oiseau que tu as dans ta main, il est meilleur que les deux qui sont dans les buissons. Parce que tu ne sais pas les deux dans les buissons, est-ce que tu vas l'attraper ou non. Donc là, tu as un dirigeant, il est mauvais, mais alhamdoulilah, au moins il est là. Et il y a une certaine stabilité, malgré qu'il y a du mal qui est relié à ça. Mais le fait d'endurer ça et d'être patient et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, de l'aider, de l'améliorer, ça amène plus de bien que le fait de se révolter et des autres choses de ce genre. Donc ça, tout ça c'est des exemples à ce sujet-là et c'est important d'expliquer ça aux jeunes musulmans et aux vieux aussi pour que tout le monde soit au courant des principes et des règles islamiques à ce sujet-là pour éviter par la suite que ça les fasse tomber dans des erreurs parce que beaucoup de gens ignorent les règles islamiques qui ont rapport à ces questions-là. أما من يتكلم في شأن ولاة الأمور عند الناس وعند الأعداء وعند الخصوم فهذا يجر شرا ويفرق الأمة وليس من النصيحة بل هو من التأليب على ولاة الأمور وهو أشد أنواع الغيبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهذا مع عامة الناس فكيف بولاة الأمور وليس هذا من إنكار المنكر كما يقول بعضهم هذا هو الإنكار هذا هو المنكر نفسه التشهير بهم في المجالس التشهير بهم في المجالس فإنكار المنكر له طرق وإنكار المنكر مع الولاة أن توصل إليهم النصيحة بأي طريق هذا إنكار المنكر أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسكت لأنك معذور donc le cheikh explique, il dit que donc le fait de parler au sujet des dirigeants auprès de, que tu parles aux gens, tu leur parles des dirigeants ou auprès des ennemis de l'islam ou auprès des opposants yani du dirigeant, ça amène du bien, ça amène du mal, pardon, et ça divise la umma et ça n'a pas rapport avec la sincérité et la nasiha. En fait, ça donne de la force au, ça amène, en fait, c'est comme si, en fait, tu appelles les gens à se rebeller contre les dirigeants et à se révolter contre eux. Et ça, c'est comme si tu parlais dans leur dos, en réalité. Tu es en train de faire al-riba, tu es en train de parler dans leur dos. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de parler dans le dos. Et il a dit ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ c'est-à-dire الْغِيبَ c'est quoi? C'est de mentionner à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas et ça c'est général, c'est pour tous les musulmans en général. Alors imaginez à propos du dirigeant, c'est encore plus grave de faire le riba contre le dirigeant, c'est plus grave que de faire le riba contre les gens en général. Et j'ai vu des musulmans, Allah musta'an, que Allah les guide, des fois ils sont assis dans des assemblées, ils commencent à critiquer. Même des fois ils sont avec leur famille, ils critiquent les dirigeants devant leurs enfants. Après leurs enfants, ils gardent ça. Ils gardent ça, cette mentalité-là de critiquer les dirigeants. Et puis ils grandissent avec ça aussi. Ils commencent à, par la suite, insulter les dirigeants. Soit parce qu'il y a de la pauvreté, soit parce qu'il y a des problèmes, soit parce qu'il y a un manque, quoi. Hein? Al-Ghayba. Al-Ghayba, naam. Naam, Al-Ghayba ou bien Al-Ghayba. Al-Ghayba, ça veut dire de parler dans le dos de quelqu'un ou de mentionner à son sujet des choses qu'il n'aime pas, tu vois. Ah, parce que c'est deux mots différents. Riba, c'est l'intérêt bancaire ou l'intérêt sur les prêts, hein. Mais al-riba, c'est avec rein. Puis al-riba, c'est avec ra. C'est deux mots différents. Tu comprends? Non. Donc, le chef, il dit donc que il y en a qui pensent que le fait de mentionner ces fautes-là des dirigeants, il dit, ah, moi, je dénonce le mal. Hein, je dénonce qu'est-ce qui est mauvais, hein, inkar al-munkar. Il dit, ah, ça c'est mauvais, moi je parle contre ce mal. Il dit, le cheikh, c'est pas, la façon dont on doit faire inkar al-munkar, de dénoncer qu'est-ce qui est mal, il y a des manières pour le faire. Et quand tu veux dénoncer le mal qui a rapport avec les dirigeants, c'est de leur donner la nasiha et d'aller les voir ou de leur faire transmettre la question ou le problème. Et non pas de le divulguer ou de le diffuser. Au contraire, ça c'est qu'est-ce qui va augmenter le munkar et non pas le diminuer ou le faire cesser. Il dit si tu n'es pas capable de leur transmettre la nasiha, dans ce cas-là tu te tais. Parce que tu es excusé dans cette situation-là. Si tu n'es pas capable de leur transmettre la nasiha, tu es excusé. Hein, tu ne seras pas puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne qui est sincère, elle donne la nasiha pour plaire à Allah, pour Allah. Pas pour se montrer elle-même, pour s'élever elle-même, hein, pour montrer qu'elle dit, ah, regardez, moi, je suis courageux, j'ai pas peur, je vais parler au dirigeant, je vais lui dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, t'es injuste. Il y en a qui mentionnent même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit par exemple, akbaru jihadin, yani kalimatu haqq, عند سلطان جائر. Et ça veut dire que la plus grande jihad, c'est la parole que tu dis qui est véridique, une parole de vérité devant un dirigeant qui est injuste. Donc ils disent ça, c'est la preuve que il faut dire les fautes des dirigeants puis dénoncer leurs faussetés et leurs mensonges. Sauf que ce hadith là, il est clair, il dit عند سلطان. C'est-à-dire que tu es en sa présence, que tu lui dis ça devant lui. Pas que tu es à des kilomètres assis dans un endroit ou bien sur le même bar, tu commences à critiquer, à insulter. Ça, c'est pas le hadith, c'est pas ça qu'il nous dit et c'est pas ça le plus grand jihad. Le plus grand jihad, c'est que tu es devant un dirigeant injuste, il est devant toi et là tu lui dis. Tu dois pas faire ça, tu dois craindre Allah et là. Tu sais qu'il est capable de te faire couper la tête s'il veut, et que tu le dis quand même. Hein. Et ça c'est quelque chose. Mais tu le fais pas pour te montrer, pour que les gens voient, ah, regardez, il est courageux. Non, tu le fais parce que tu crois que c'est une responsabilité que tu as, que tu dois le faire pour Allah, pour plaire à Allah, et pour amener le bien, pour corriger ce dirigeant-là, pour son bien à lui, et pour ton bien à toi aussi, et pour le bien de tous les musulmans. عند اين عند عين نون دال عند عند سلطان جائر. Donc il y a pas d'argument pour ces gens-là. Et donc le cheikh il explique, il dit si tu es pas capable, tu te tais. Et le fait de mentionner leur faute, de parler contre eux, ça fait pas partie de inkar al-munkar et ça va rien amener. الشيخ الذي هذا لا يجدي شيئا بل هذا يزيدهم حقدا ويزيدهم غيظا على رعيتهم فتحصل المفاسد أو أنهم يتسلطون على الدعاة وعلى طلبة العلم ويتسلطون عليهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وينشر فيجر ذلك شرا على الأمة وهذا ليس من النصيحة لولاة الأمور ولا من إنكار المنكر. Le chef il dit que au contraire ça va faire en sorte que les dirigeants, lorsqu'on commence à parler contre eux comme ça, ils vont avoir de la haine et de la rancune contre la population et contre les musulmans et contre les gens, et ça va les remplir d'une rage contre les gens qui va faire que beaucoup de mal va se produire par la suite comme conséquence. Et aussi ils vont écraser par la suite ceux qui veulent faire la da'wah et qui veulent appeler à l'islam, hein, ils vont être peut-être opprimés ou comme on dit ils vont avoir de la pression de la part du dirigeant par la suite à cause de ces paroles-là qui sont dites et qui sont diffusées, et ça va amener aussi du mal contre les toulab al-ilm qui veulent enseigner aux gens l'islam. Et on a vu ça dans les pays musulmans, lorsque certains, au nom de la da'wa ou au nom de l'islam, commençaient à insulter ou à parler contre les dirigeants et des choses de ce genre, eh bien, par la suite, le dirigeant, il a fermé la porte à la da'wa, il laisse plus personne parler. Et après, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les gens restent par la suite dans l'ignorance, ils ne peuvent plus écouter des durus sur l'islam, ils ne peuvent plus entendre des cours sur la religion, et etc. Donc, tout ça, c'est les conséquences du fait que des gens ont dépassé la limite de la charia et qu'ils sont tombés dans des genres de choses qui sont haram comme ça. Donc, le cheikh, il dit, ça n'a rien à voir avec la nasiha, au contraire, ça n'a rien à voir avec le fait de dénoncer le munkar. Et le cheikh, il dit ensuite, وَكَذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِوُلَاتِ الْأُمُورِ الدُّعَاءُ لَهُمْ الدُّعَاءُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحٌ لِلْأُمَّةِ أما الذي يدعو عليهم لأن بعض الناس أو الذي عنده غيرة شديدة مع جهل يدعو عليهم، وهذا ليس من النصيحة. الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، ويدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس بالصلاح، لا تمدحهم بما ليس فيهم، ليس المطلوب أنك تمدحهم أو تثني عليهم، المطلوب أنك تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. Donc le cheikh l'explique. Il dit que également parmi les choses qui ont rapport avec le fait d'être sincère envers les dirigeants et de leur donner la nasiha, c'est de faire des invocations pour eux, de faire des du'as pour eux pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rende meilleurs, les fasse devenir bons. Ça c'est de la manière qu'on doit agir envers eux. Et le fait qu'ils deviennent bons et qu'ils soient meilleurs, ça c'est quelque chose qui va amener du bien pour la Ummah, qui va améliorer le sort de qu'est-ce qui se passe dans la Ummah. Donc ça c'est la nasiha, de faire des invocations pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rende meilleurs. Et il dit, parce qu'il y en a d'autres, des gens qui ont beaucoup de sens de la jalousie pour la charia, de jalousie pour l'islam et pour l'honneur, mais avec de l'ignorance, au lieu de faire des du'as pour eux, ils font des du'as contre eux. Et ils invoquent Allah contre eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les punisse ou des choses comme ça. Et ça n'a rien à voir avec la nasiha. Le chef, il dit que l'obligation, c'est de demander pour eux à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils soient droits, qu'ils deviennent droits, et de faire des du'as pour eux lors de la khutbah, ou de faire des du'as pour eux dans les assemblées générales, et non pas de les glorifier en mentionnant des choses qu'ils n'ont pas, hein, comme par exemple, il y en a qui exagèrent dans la glorification des dirigeants, ils vont mentionner des choses à leur sujet qu'ils n'ont pas. Ils vont dire, il est comme ça, il est comme ça, il est juste, il est bon, il est... Non, ça c'est pas ça qui est demandé. Qu'est-ce qui est demandé, c'est de faire des du'as pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rende meilleurs et qu'il les rende bons. C'est tout. Hein? Et ça fait partie de la voie des salaf salih, hein, de nos imams parmi les premiers musulmans. Ils étaient tous d'accord là-dessus. Ils étaient tous d'accord sur ce point-là. Et même que les imams d'Ahl Sunnah, ils ont mentionné que si tu vois quelqu'un qui évoque contre les dirigeants et qui fait des du'as contre les dirigeants, c'est le signe qu'il est sur la bid'ah. Et c'est le signe qui fait partie des Khawarij. Hein? Il y a une secte qui est apparue parmi les premières sectes qui sont apparues parmi les musulmans, qu'on appelle la secte des Khawarij. Et cette secte-là, eux, ils considèrent que toute personne qui commet un péché majeur, un grand péché, il devient kafir. Donc s'ils voient quelqu'un qui fait le zina, ou qui boit de l'alcool, ou qui par exemple, fait un grand péché, en général, ils vont dire, celui-là, c'est un kafir. C'est un kafir, et ils disent que son sang est halal, et que ses biens sont halal. Donc, ils tuent et ils massacrent les musulmans au nom de l'islam. Et les premiers qui sont sortis parmi eux, c'est des gens qui sont sortis contre les Sahaba. Ils ont pris les armes contre les Sahaba pour les combattre parce qu'ils ont dit qu'ils ne jugeaient pas selon la loi d'Allah, ou bien parce qu'ils n'étaient pas justes, ou des choses de ce genre. C'est-à-dire que ces Khawarij là, ils s'imaginaient qu'ils comprenaient mieux l'islam et le Coran que les Sahaba du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les Khawarij? Ils égorgeaient les Sahaba au nom de l'islam. Et ils les tuaient avec l'idée ou avec l'intention de se rapprocher à Dieu. Hein? Ils pensaient qu'en les tuant, en tuant les Sahaba du Messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient devenir des meilleurs musulmans et qu'ils pensaient qu'ils faisaient le djihad en faisant ça. Hein? Et, yani, donc, ça c'est des gens qui s'appellent les Khawarij et leur caractéristique c'est ça. Ils font le takfir des musulmans. Et non seulement ça, aussi, ils prennent les armes contre le dirigeant. Ils prennent les armes, ils appellent à la rébellion et à la révolte contre les musulmans qui sont au pouvoir et les dirigeants parce qu'ils disent qu'ils font des péchés ou qu'ils sont injustes et ils pensent que ça justifie le fait de se rebeller contre eux. Et à notre époque, il y en a plein comme ça, maintenant c'est répandu dans les pays musulmans et on en a eu plein d'exemples comme ça, soit en Égypte, soit en Afghanistan, il y en a, et aussi en Algérie, tout ce qui s'est passé en Algérie, des groupes qui s'arment et puis qui se rebellent contre le dirigeant, contre le pouvoir, et qui tuent les musulmans, hommes, femmes et enfants, sans pitié, sans honte. Hein? Al-Irhab, ça fait partie de la voie des Khawarij aussi. Le terrorisme, hein? Qu'est-ce que ces gens-là font maintenant? De faire des attentats, de mettre des bombes, de tuer des innocents au nom de l'islam, soi-disant pour faire le djihad. Ça, premièrement, ça n'a rien à voir avec le djihad, parce que le djihad, c'est pas comme ça. Hein? Le djihad, c'est avec une armée organisée, puis préparée par le dirigeant, par le gouvernement. C'est l'État qui décide quand et contre qui on fait le djihad, et non pas des individus ou des groupes. Hein, qui se déclarent eux-mêmes, on est des moudjahidines, non, c'est pas comme ça. Et en même temps aussi, ça n'a rien à voir avec yani, l'islam, puisque yani, l'islam nous interdit de tuer les innocents ou de se rebeller contre les dirigeants, même s'ils font des péchés. Donc tout ça, c'est très important de le comprendre. Et comme le cheikh il dit, on ne demande pas aux gens de les glorifier, de leur faire des éloges, et de parler d'eux, de dire des choses sur eux qu'ils n'ont pas, mais en même temps, on demande seulement de faire des du'as pour que Allah les rende meilleurs, comme on dit par exemple, « Oh Allah, fais que les dirigeants des pays musulmans deviennent meilleurs, et qu'ils deviennent bons, et qu'ils deviennent justes, et qu'ils amènent de la justice, et qu'ils jugent par l'islam, et qu'ils jugent par le Coran et par la Sunna, et qu'ils établissent la religion, et qu'ils aident la cause des musulmans, etc., etc. Hein? Ça, c'est des bons exemples, et des choses qu'on doit faire. Mais justement, le cheikh, il a dit ici, « وَلِهَذَا كَانَ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَادِ رَحِمَهُ اللَّهِ يَقُولُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً لَصَرَفْتُهَا لِلسُّلْطَانِ وهذا من فقهه رحمه الله لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم. En principe, les ulama ils mentionnent un point qui dit que les gens ont les dirigeants qu'ils méritent. Si les gens sont injustes, Allah les punit en mettant sur eux des dirigeants injustes. L'habitude que les gens ont aujourd'hui, c'est de dire si on a un dirigeant injuste, c'est une punition contre eux. Ils disent pas c'est une punition contre nous. Ils disent nous on mérite un dirigeant juste et on veut se débarrasser de ce dirigeant injuste. Alors que Allah les a punis par ce dirigeant injuste à cause de leur injustice eux-mêmes. Et donc la façon, comme les ulama ont expliqué, la façon de corriger la situation lorsqu'on a un dirigeant injuste, c'est de se corriger nous-mêmes et de se repentir de nos péchés et de cesser de faire de l'injustice nous-mêmes, puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il va nous donner des dirigeants qui sont justes et qui sont bons. Mais si nous-mêmes on est injustes et on respecte pas les règles de l'islam et on respecte pas les obligations qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on fait de l'injustice les uns contre les autres, et puis après on espère qu'on va avoir un dirigeant juste, ça c'est de l'inconscience, hein, ça c'est de l'inconscience. Et le cheikh il mentionne les paroles de Al-Fudayl ibn Iyad, hein, qui était un grand imam parmi les ulama et un des grands savants. Al-Fudayl ibn Iyad, subhanallah, le cheikh il dit c'est un imam, zahid. Et il dit que c'était un parmi les fuqaha, il a pris du fiqh, son fiqh de Abu Hanifa, hein. Il a pris son fiqh de Abu Hanifa, et l'imam al-Shafi'i a rapporté de lui. Et au début de sa vie, c'était un brigand, un voleur, hein. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était hors la loi, au début de sa vie. Et il a fait tawbah, il s'est repenti, et puis il a étudié l'islam, il est devenu parmi les ulama par la suite, hein. Donc, c'est pour montrer comment Allah peut guider qui il veut, hein. Donc, Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un des imams parmi les imams des salafs. Donc, il a dit quoi, ce savant-là, et beaucoup d'autres savants l'ont dit également, ils ont dit que si, l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, si je savais que j'avais une invocation que j'allais faire à Allah et qu'elle allait être exaucée, je l'aurais fait cette invocation-là pour le dirigeant, pour qu'elle soit exaucée, pour que, c'est-à-dire, Allah le rende meilleur. Hein? Et ça fait partie de sa compréhension. Il avait une grande compréhension de l'islam, parce qu'il sait très bien que si le dirigeant est bon, eh bien ça va amener du bien pour les musulmans. Donc, c'est dans notre avantage de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le rendre meilleur et de faire une dua pour lui. Exactement. Exactement. En particulier dans le jeûne, ou bien dans n'importe quel autre moment où on sait que notre dua risque d'être plus exaucée, d'en profiter pour faire des duas pour eux. Après le cheikh, il dit « وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَعَالِمِينَ يَقُولُ الدُّعَاءُ لَهُمْ مِنَ النِّفَاقِ أو يقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ نقول له أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة ويقول بعضهم إن الدعاء لهم من المداهنة وهذا لم يرد عن السلف نقول له إن النصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور حتى أنهم نصوا أنه يدعى لهم في خطب الجمع والأعياد وهذا أمر معروف عند الأمة ولا ينكره إلا جاهل أو من في قلبه غل وحقد. Il y a des ignorants parmi les gens d'aujourd'hui qui disent les savants de l'Arabie Saoudite, ils disent des choses comme ça parce qu'ils sont payés par le dirigeant. Ils sont payés par le gouvernement pour parler pour eux. Moi, je dis ça aujourd'hui, je suis assis à Montréal. Est-ce qu'il y a un dirigeant ou un gouvernement qui me paye pour que je dise des choses comme ça pour eux? Je le dis, ça, si je le dis, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le dis parce que c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vérité qui est dans le Coran et qui est dans la Sunna, et je suis obligé de dire la vérité. Hein? Et si quelqu'un dit la vérité, et que les gens, comme je dis toujours cet exemple-là aux frères, parce que ça m'a toujours fait rire quand j'ai eu cet exemple-là. Je parlais avec des Sénégalais et puis ils critiquaient leur dirigeant. Et je leur ai dit, dans l'islam, il ne faut pas critiquer le dirigeant. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'obéir le dirigeant, même s'il est mauvais. Il m'a dit, toi tu travailles pour le président du Sénégal. Oui, c'est ça. Donc, moi, il m'a fait rire. Franchement, j'ai dit, subhanallah. Ça y est, je travaille pour tous les présidents arabes, tous les présidents musulmans. Hein? Et ils m'envoient des chèques par la poste. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais c'est ça. Il y a des gens qui pensent ça. Donc, ça n'a rien à voir. Les ulama, leur rôle, c'est d'expliquer aux musulmans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ça plaise aux gens ou que ça leur plaise pas. Ils n'essaient pas de plaire ni aux dirigeants, ni de faire plaisir à la population. Ils font plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il y a des ulama, hein, il y a des gens qui se disent ulama ou qu'on considère ulama, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire plaisir aux gens. Ils veulent que les gens les aiment. Ils veulent être populaires. Alors, ils vont dire aux gens des choses pour que les gens les aiment. Et quand ils voient que, quand ils parlent contre les dirigeants, les gens sont contents, les gens aiment ça, alors ils parlent contre les dirigeants pour avoir de la popularité, pour que les gens se mettent autour d'eux. Et ça, c'est pas de la voie des salaf salih. Ça, c'est pas la voie de ceux qui suivent le Coran et la Sunna. Mais ça, c'est connu que les juges et les gens qui sont dans des positions importantes, on leur donne des gros salaires pour justement que quelqu'un ne peut pas les acheter. Quelqu'un ne peut pas leur faire. Même ici, c'est comme ça. Même les juges des koufars qui jugent selon la loi des hommes, hein, ils sont payés très cher. Les policiers, ils ont quand même un bon salaire, hein, les avocats, les juges. Pourquoi? Parce que, ouais, bon. Si tu veux les acheter, il faut que tu donnes beaucoup d'argent pour acheter un juge ici. Tandis que dans un pays où il y a, par exemple, plus de pauvreté, hein, quelqu'un, il a un peu d'argent, il achète les juges, il achète les policiers, il achète tout le monde. Hein? A'udhu billah. Non, mais dans ces gens-là, premièrement, si ils plaignent Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut les acheter. Parce qu'ils sont sincères envers Allah avant tout. Et même si tu lui donnes des milliards de dollars, ils ne vont pas se détourner de la vérité, ni à gauche, ni à droite. Hein? Ils vont dire ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, ils vont dire la vérité seulement. Mais en plus de ça, pour les encourager encore plus à rester dans la vérité, et que quelqu'un ne vienne pas commencer à jouer avec eux, on leur donne un salaire qui est suffisant pour eux, pour justement les aider et les protéger dans ce sens-là. Et le cheikh, il dit qu'on a entendu de la part de certains, soi-disant personnes qui sont cultivées, les intellectuels, comme ils s'appellent, ils disent de faire des du'as pour le dirigeant, c'est de l'hypocrisie. Il y a ceux qui disent « Ah, il faut faire des du'as pour le dirigeant, ah, ça c'est des hypocrites. » Et ils travaillent pour le dirigeant ou ils travaillent pour le gouvernement. Et ici, c'est un gouvernement musulman. Quel est le mal de travailler pour eux, hein? Ça, c'est pas interdit dans l'islam, hein, si c'est un gouvernement musulman. Et le fait de faire des du'as pour eux, au contraire, c'est pas du tout du nifaq, hein? C'est tu fais des du'as pour quoi? Pour que Allah les rende meilleurs. S'il y a quelqu'un, par exemple, un chrétien, tu demandes à Allah de le guider à l'islam. Est-ce que ça veut dire que tu es un hypocrite? Non. Tu demandes à Allah de le guider à l'islam. Eh bien, si tu demandes à Allah de guider le dirigeant, de guider, de le faire devenir bon, de le faire corriger de ses erreurs, hein, et de lui montrer le droit chemin, ça c'est quelque chose de bien. Donc, il y en a qui disent, ça veut dire que tu l'innocentes, ou bien tu justifies ce qu'il, t'es d'accord avec ce qu'il fait dans ses erreurs. Encore là, ça ne veut pas dire ça non plus. Il y en a d'autres qui disent que si tu fais des du'as pour eux, c'est comme si tu essaies de les gagner. Comme si, par exemple, Al-Mudahana, tu fais quelque chose pour avoir quelque chose en retour de leur part. Tu fais ça pour te rapprocher d'eux. Et que ça, c'est pas ça. Il y en a qui disent que ce n'était pas fait par les salafs de faire des du'as pour les dirigeants. Le cheikh, il dit, la nasiha, d'être sincère envers les imams des musulmans et les dirigeants des musulmans, parmi les plus grandes manifestations de sincérité envers eux, c'est de faire des du'as pour eux pour que Allah les corrige. Et ça a été rapporté de la part des salafs qu'ils faisaient des du'as pour les dirigeants. Même que, il y en a qui ont indiqué que, on fait des du'as pour eux même dans la khutba et dans le jumu'ah. Dans le khutbah de Jumu'ah et dans les prières de Eid, on fait des du'as pour les dirigeants. Hein? Et ça, c'est une chose qui est connue dans la Ummah, c'est connu. Et il n'y a personne qui rejette ça ou qui dénonce ça ou qui parle contre ça, excepté un ignorant ou quelqu'un qui a de la rancune ou de la haine dans son cœur. Ensuite, la dernière partie du hadith, c'est le hadith qui parle, c'est la partie qui parle de faire du bien ou de faire la nasiha à tous les musulmans en général. Et le cheikh il dit, قال وعامتهم النصيحة لعامة المسلمين تكون بالصدق في المعاملة أما الذي يغش المسلمين في البيع والشراء والمعاملات فقد خانهم ولم ينصح لهم قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Le cheikh il dit que d'avoir la nasiha envers les musulmans en général, ça veut dire d'être sincère et véridique avec eux lorsque tu fais des transactions ou des choses avec eux, comme que ce soit du commerce ou autre. Tu ne dois pas les tricher ou tromper dans les interactions que tu as avec eux. Celui qui triche ou qui les trompe, il les a trahis et il n'a pas été sincère, il n'a pas été nafih avec eux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, rapporté par Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il a dit « Man rashana falaysa minna » Celui qui nous trompe, il n'est pas de nous. Celui qui nous triche, il n'est pas de nous. Et il a dit ça dans le contexte où il passait dans un souk. Et dans le souk, il y avait des gens qui vendaient des marchandises, de la nourriture, des choses comme ça. Et il y avait eu de la pluie qui est tombée sur les nourritures ou les choses qu'il vendait. La personne vendait des choses. La pluie était tombée dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le vendeur? Tout ce qui était mauvais, qui avait été touché par la pluie, il l'a mis en dessous et il a mis le bon par-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a rentré sa main dans le sac et il a sorti le mauvais qui était au fond. Il a dit, pourquoi tu n'as pas fait sortir le mauvais pour le mettre au-dessus pour que les gens voient que c'est comme ça? Parce que, il a dit après, parce que, man rashana falaysa minna. Celui qui nous trahit ou qui nous triche, il n'est pas de nous. Donc, tu dois être honnête dans tes transactions et ne pas tricher ou tromper ou aller essayer de profiter des gens et des musulmans en particulier. Le cheikh il dit, parce que ici c'est Man Rashana, celui qui nous triche, qui nous trompe, n'est pas de nous. Dans une autre narration, ça dit Man Rashala et Man Rasha. C'est-à-dire, dans une autre narration, c'est général, qui trompe, quelqu'un qui trahit ou qui trompe en général, soit les musulmans ou les non-musulmans, hein, il n'est pas de nous. وكذلك من النصيحة لعامة المسلمين دعوتهم إلى الله بدعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم. De même que parmi les choses qui font partie de la nasiha pour les musulmans, c'est de les inviter à Allah, de les appeler à Allah, de les appeler à ce qui est bien, hein, ou de leur clarifier des choses dans lesquelles ils ont des problèmes, des erreurs ou des manquements dans la religion. Tu leur clarifies ce qu'ils ignorent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la nasiha pour les musulmans. وَمِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمْ أَيْضًا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بالطرق الشرعية أما لو تركت المنكرات والأخطاء بدون أن تعالج فهذا من الغش ولكن الإنسان يقوم بما يستطيع قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فأنت تنكر المنكر بحسب استطاعتك إن كان لك سلطة وولاية تنكره باليد وإن كان ليس لك سلطة تنكر باللسان بالبيان والدعوة وإن كنت تقدر على ذلك تنكره بقلبك وتبتعد عن أهله وعن أماكن المنكر وتنجو بنفسك على الأقل. Donc le chef explique que également parmi les choses qui ont rapport avec la nasiha pour les musulmans en général, c'est de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal par les façons, les manières qui sont légales en islam, de la façon qui est légale en islam. Et il dit que si on laissait tout le monde faire le mal et faire les erreurs qu'ils veulent sans corriger ou remédier à ces problèmes-là, eh bien ça fait partie de tricher les musulmans, de trahir les musulmans. Donc quand tu vois des musulmans qui font des choses qui ne sont pas correctes, qui trompent, qui trichent, qui font des péchés, qui font des choses haram, puis que tu ne leur dis pas de cesser de le faire et que tu ne leur ordonnes pas le bien, là ça veut dire que tu as trahi les musulmans, ça veut dire que tu as trompé les musulmans. Et il y en a aujourd'hui malheureusement, ils ne veulent pas qu'on dise qu'est-ce qui est haram pour avertir les gens. Ils ne veulent pas qu'on interdise aux gens les choses haram qu'ils font. Ils disent non, laissez, chacun est libre. La ikraha fi d-din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Tout le monde est libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Celui qui ne veut pas prier, ne prie pas. Celui qui veut prier, prie. et tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un prie, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui ne fait pas quelque chose obligatoire, fais-le, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui fait quelque chose haram, fais-le pas. Donc, chacun est libre. Ils ne veulent pas que tu ordonnes le bien, ils ne veulent pas que tu interdises le mal. Et ça, c'est al-rish. Et ça, c'est l'attitude des munafiqin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Et ils interdisent le bien, ils ordonnent le mal, le contraire des croyants. Donc le cheikh il mentionne comme exemple, comme preuve, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, rapporté par Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri. Et ce hadith-là, on va le faire le charf dans les hadiths qui vont venir plus tard. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change avec sa langue, ou par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Donc, si tu dénonces un mal ou que tu changes un mal, selon ta capacité, tu dois le faire. C'est-à-dire, tu changes le mal qui est autour de toi selon ta capacité. Et ça, c'est les degrés, en fait, qu'on doit respecter pour changer le mal. Le premier degré, c'est avec la main. Ça, c'est si tu as une autorité ou un pouvoir. Hein, soit que, par exemple, tu es quelqu'un qui a une autorité légale, un pouvoir légal pour interdire ou changer quelque chose, tu le changes par la main. Ou bien un père de famille dans sa maison, il a l'autorité sur sa famille, sur ses enfants, donc il peut changer un mal par la main s'il voit le mal. Non. Ça, par la main, ça veut dire, par exemple, que tu vois quelque chose qui est mauvais, puis tu l'arrêtes en utilisant la force, ok? En utilisant la force, si c'est nécessaire. Bien entendu, c'est pas comme les Mu'tazila ou les Khawarij qui interprètent ce hadith-là en disant si tu vois quelque chose, le dirigeant fait quelque chose de mal, tu le changes avec la main. Non, pas envers les dirigeants, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ça, mais envers les gens sur qui tu as une autorité. Comme par exemple, si tu es un policier ou tu es quelqu'un qui a une position dans la société, que le dirigeant t'a donné une responsabilité, comme en Arabie Saoudite, il y a une police spéciale pour ces choses-là. Il marche dans les souks, s'il voit quelque chose de haram, quelque chose de mauvais, il l'arrête, il l'enlève, il le change. Eux, ils ont une permission de l'État pour le faire, donc dans ce cas-là, ça diminue les conséquences qui pourraient être négatives par la suite. Hein? Sinon, dans ta maison, ça veut dire que tu vois quelque chose qui est haram dans ta maison, si toi le père, tu vois tes enfants en train de faire quelque chose de haram, tu les arrêtes. Hein, tu les stops, tu les fais arrêter de faire le haram. Parce que c'est toi leur père, tu as l'autorité chez toi. Mais sinon, tu le changes par ta langue, soit en clarifiant les choses, en faisant la da'wa. Et si tu ne peux pas faire ça, eh bien, ton cœur, ça c'est le minimum. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de détester le mal par ton cœur et de t'éloigner de ceux qu'ils font et de l'endroit où ils font le mal. Et le minimum, c'est que tu te sauves toi-même, en fait. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن تدل أخاك وترشده إلى إذا استشارك وطلب منك النصيحة كأن يستنصحك إذا أراد أن يتزوج أو يزوج أحدا أو يشارك أحدا أو يسافر مع أحد أو يوكل أحدا فالواجب عليك أن تقول له ما تعلمه عن هذا الشخص وتبين له إذا كان يصلح أو لا يصلح ولا تجامل أحدا في ذلك لأنك لو جاملت وسترت ما عند هذا الشخص الذي يستشيرك فيه صار هذا غشا لقوله صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. Le cheikh il dit également, parmi la nasiha pour les musulmans en général, c'est que lorsque un frère te demande une indication ou un conseil, il te demande une nasiha, que tu lui donnes la nasiha. Si par exemple, quelqu'un veut se marier, ou quelqu'un veut marier, donner sa fille ou sa sœur en mariage à quelqu'un, hein, il te demande la nasiha. Est-ce que je dois, est-ce que je peux marier ma fille ou ma sœur à cet homme? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est correct? Hein? Ou bien est-ce que je peux prendre celui-là comme un partenaire dans un projet de d'affaires? Ou bien dans un voyage que je veux faire, je veux prendre un compagnon, je veux voyager avec lui. Est-ce que tu me conseilles? Ou bien je vais prendre un tel comme responsable pour quelque chose, ou comme gérant pour moi, ou garant pour moi. Est-ce que tu me conseilles cette personne? Si toi tu sais quelque chose au sujet de cette personne qui est mauvaise, qui est mauvaise à son sujet, tu sais que c'est une personne qui n'est pas correcte, c'est ton obligation de lui dire. C'est ton obligation de lui dire la vérité que tu connais au sujet de cette personne. Parce que si tu le caches, tu as trahi cette personne, tu as trompé cette personne dans le bien. Ok? Et donc, c'est pas comme certains pourraient s'imaginer, ah, c'est quelqu'un, je veux pas dire du mal de lui parce que je veux pas parler dans son dos. Dans ces questions-là, tu dois le dire. C'est pas si tu parles dans son dos, non. T'es obligé de le dire. Parce que dans ce cas-là, c'est le bien qui vient de ça est plus grand que le mal que tu pourrais faire en parlant contre lui. Si tu le dis pas, il risque d'avoir des gros ennuis. Hein? Donc dans ce cas-là, c'est obligatoire de le mentionner. Et la même chose donc pour quelqu'un qui... T'imagines quelqu'un est venu demander la fille de quelqu'un, et toi tu sais que la personne c'est une personne qui est malhonnête ou qui est pas correcte, et toi tu sais qu'il est malhonnête, tu le caches, il va donner sa fille ou sa soeur à quelqu'un qui est mauvais, à cause de toi, parce que toi tu dis, ah non moi je veux pas parler dans le dos. Non, ça c'est obligatoire, ça rentre pas dans ces choses-là. Et le chef, il dit que si tu as couvert la personne au sujet duquel on t'avait demandé la question, tu l'as couvert dans son injustice, alors dans ce cas-là, tu l'as triché, tu l'as trahi. Et il mentionne le hadith rapporté par Abu Daoud, Ahmad, et Al-Bukhari, et Al-Hakim dans le Mustadrak et Al-Bayhaqi, selon Abi Huraira, qui dit, celui qui a, lorsque son frère lui a demandé un conseil, qui indique quelqu'un, il donne un conseil, quelqu'un lui a demandé un conseil, et lui, il lui répond, alors qu'il connaît qu'est-ce qui est à dire au sujet de cette personne-là, et qu'il ne lui indique pas la vérité, alors il l'a trahi dans cette chose-là. Et ça, c'est par rapport aux choses de la dunya. On a mentionné des choses par rapport à la dunya, mais par rapport à la religion, c'est encore plus grave, encore plus important encore. C'est-à-dire que si tu connais quelqu'un qui va aller étudier l'islam ou apprendre la religion chez quelqu'un, et tu sais que cette personne chez qui il va étudier, il a des erreurs dans son islam, il a des bédas, il a des innovations, il a des choses qui sont contraires à la vérité, eh bien, c'est ton devoir de l'avertir et de lui dire, fais attention à celui-là, il dit telle chose qui est contraire à l'islam, contraire au Coran, contraire à la Sunna, fais attention. Ça, c'est ton devoir. Hein? Ou de tel livre, si tu sais qu'il y a un livre qui, dans ce livre-là, il y a des choses contraires à l'islam, contraires à la Sunna, contraires à la vérité, et que tu vois quelqu'un en train de lire ce livre, tu lui dis, fais attention, ce livre-là, il y a des bid'ah. Il est écrit par un auteur qui dit des choses qui sont très dangereuses, qui sont mauvaises. Ça, c'est ton devoir de le faire. Et si c'est important de le faire pour les choses de la dunya, envers quelqu'un qui te demande pour le mariage, ou pour le commerce, ou pour autre, alors pour la religion, c'est encore plus obligatoire d'avertir contre le musulman. Et l'imam al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, il a un chapitre qui s'appelle « Les choses dans lesquelles il est permis de faire le riba ». Les sujets dans lesquels il est permis de faire al-riba, c'est-à-dire de mentionner des choses à propos de quelqu'un qui sont qu'il n'aime pas ou qui sont mauvaises, et c'est des situations, des questions comme celles qu'on a mentionnées maintenant. Dans ces cas-là, c'est permis. Et on va terminer ensuite, le cheikh il dit وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ بَلْ هَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ أَمَّا إِذَا لَمْ تُبَيِّنْ لَهُ فَقَدْ غَشَشْتَهُ لأنه فوض الأمر إليك في هذا الأمر فكان لزاما عليك أن تبين له ما عندك وهذا من النصيحة لعامة المسلمين والمشاورة فيما بينهم وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فالدين كله هو النصيحة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فالذي ليس عنده نصيحة أبدا ليس عنده دين وإن كان عنده نقص في النصيحة صار عنده نقص في الدين فالدين يكمل وينقص ويزول بسبب عدم النصيحة أو نقصانها Le Cheikh explique pour terminer, il dit que ça n'a rien à voir avec la riba, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est au contraire, c'est de donner le bon conseil et c'est de donner la nasiha aux gens. Hein? C'est de donner un nasiha. Ton intention, bien entendu, doit être sincère. Si tu commences à parler contre quelqu'un, tu dis des choses fausses à son sujet, ou tu dis des choses et tu sais même pas si c'est vrai ou faux, tu dis « Ah, fais attention, lui, il n'est pas bon », et tu sais même pas, tu n'as même pas de preuve. Et tu fais juste l'accuser injustement, ou bien tu parles avec l'intention de lui faire du tort, pas pour Allah, dans ce cas-là, c'est un péché. Mais si tu le dis sincèrement, avec connaissance, tu parles à son sujet, tu dis des choses pour avertir cette personne-là contre le mal, là c'est correct. Là c'est obligatoire même. Et donc, le cheikh il dit que si tu le caches, ce que tu sais, alors tu l'as trahi cette personne. Parce que c'est comme si en fait tu lui as donné ta parole ou tu lui as dit que cette personne-là, elle est correcte. Et lui, il va se baser sur ce que toi tu lui as dit pour faire ce qu'il a fait par la suite. Et donc, c'est à cause de toi que cette personne-là va tomber dans le mal. Et donc, c'est ton obligation de lui clarifier ce que tu connais à son sujet. Et ça, c'est de la nasiha pour les musulmans en général. Et de se concerter entre nous. Et donc, il termine en disant que ce hadith fait partie de qu'est-ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Hein? Et Jawami' al-Kalim, ça veut dire quoi? C'est une des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il dit peu de mots, mais que ce sont des mots qui sont peu, mais qui ont une grande signification. Donc, en deux mots, ad-dinun nasiha. Hein, regardez tout ce qu'on vient d'expliquer en deux cours, juste pour deux mots. Ad-din un-nasiha. Hein, la religion, c'est un-nasiha, c'est la sincérité, c'est le bon conseil. Tout ça, c'est basé sur deux mots. Et le cheikh, il dit que la religion en entier, c'est un-nasiha. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-din un-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Ou bien, le bon conseil, c'est la religion. Et celui qui n'a pas de nasiha du tout, donc il n'a pas de religion du tout. Mais celui qui a de la nasiha, mais qui a une nasiha qui est défaillante, qui est faible, ou qui est déficiente, alors il a une déficience dans sa religion. Donc, plus une personne a de nasiha, plus sa religion est forte, moins il a de nasiha, moins il en a, ou bien s'il n'en a pas du tout, alors il n'a pas du tout de religion. Et donc, ça nous montre l'importance et le degré de la nasiha dans l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, samedi prochain, bi'iznillah, avec le hadith numéro 8, qui est un hadith aussi très important. Et puis, umirtu an uqatil an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. On va lire la signification de ce hadith-là la semaine prochaine, bi'iznillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.